الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكونتينو دونك لإكزيجيز دو سورة قاف Après qu'Allah Azza wa Jal nous a informé que les non-musulmans n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la révélation et à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir traité de mensonge la résurrection ainsi que le Coran, puis Allah Azza wa Jal, après avoir attesté de ces faits, leur a répondu en utilisant des arguments qu'ils voient tous les jours de leurs propres yeux. Allah Azza wa Jal a utilisé comme argument que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel, et c'est lui qui fait pousser la végétation de la terre, c'est lui qui redonne la vie à la terre morte une fois que la pluie est tombée dessus. Allah Azza wa Jal a utilisé ces arguments pour montrer que celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui est capable de faire revivre la terre après qu'elle soit morte, c'est lui également qui est capable de ressusciter les morts. Puis Allah Azza wa Jal a décrit le sort qui a été réservé aux communautés et aux peuples qui n'ont pas cru à leurs prophètes et envoyés auparavant. Allah Azza wa Jal a dit « Et ils n'ont pas cru avant » ou « Ils n'ont pas cru avant », c'est-à-dire le peuple de Nuh, les gens de Ras, Thamoud également, Aadun, Thamoud qui est le peuple, qui était le peuple de Salih, Aadun qui était le peuple de Hud, Pharaon, les frères de Lot, les gens de l'Aïka et le peuple de Tubba, ils ont tous mécru en leur envoyé et ainsi le châtiment leur est parvenu. Allah Azza wa Jal a commencé et a donné des exemples, ceci pour montrer, et ceci est un appel aux gens afin qu'ils réfléchissent aux peuples qui les ont précédés et qui eux aussi n'ont pas cru en leur prophète. Quelle a été leur fin? Comment leur histoire s'est-elle finie? Ceux qui n'ont pas cru, les premiers à n'avoir pas cru à leur prophète, sont le peuple de Nuh, un peuple qui adorait des statues, des statues qu'ils fabriquaient de leurs propres mains. Allah Azza wa Jal leur a envoyé Nuh alayhi salam, mais n'ont pas cru en lui. Et Nuh alayhi salam les appelait à l'unicité d'Allah, à l'adorer seul, sans rien lui associer, matin, midi et soir. Ils fermaient leurs oreilles et se recouvraient de leurs vêtements pour ne pas entendre les paroles de Nuh alayhi salam. Quelle a été leur fin? Leur fin a été qu'Allah Azza wa Jal les a noyés. Il a ordonné au ciel de pleuvoir et à la terre de sortir toute l'eau qu'elle contient. Puis lorsque les deux eaux se sont rencontrées, l'eau des cieux et l'eau de la terre, un immense déluge est apparu sur terre. Et l'eau est même passée au-dessus des montagnes. Allah Azza wa Jal les a détruits ainsi. Wa ashab ar-ras, de même que les gens de Ras. Où étaient-ils? Où étaient ces gens appelés les gens de Ras? Allahu a'lam, personne ne le sait. Ar-ras en arabe signifie un puits. Ce sont donc des gens qui vivaient autour d'un puits et ils n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète. Comment s'appelait-il? Allahu a'lam. Mais il a été cité que ce peuple a pris ce prophète et l'a jeté dans le puits, wal'iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal les a châtiés pour cela. Wa Thamud, Thamud qui sont le peuple de Salih alayhi salam, eux qui creusaient les montagnes et en faisaient des maisons, n'ont pas cru en Salih alayhi salam. Salih qui les a appelés à l'adoration d'Allah sans ne rien ne lui associer, mais ils n'ont pas cru. Et leurs maisons qu'ils ont creusées dans ces montagnes sont présentes jusqu'à nos jours, afin que les gens réfléchissent et méditent. Wa Ad, également le peuple Ad, qui est le peuple de Hud alayhi salam. Allah Azza wa Jal leur avait donné une force phénoménale. Qu'ont-ils fait de cette force? Ont-ils remercié Allah Azza wa Jal? Non, bien au contraire. Ils ont même dit, « Man ashaddu minna quwwa ?» Qui est plus fort que nous ? Et ils ont dit à Houdoun alayhi salam, lorsqu'il les appelait à l'adoration d'Allah azza wa jal, que tu nous exhortes ou que tu ne nous exhortes pas, cela nous est égal. Ils ont donc utilisé cette force qu'Allah azza wa jal leur a donnée pour renier Houdoun alayhi salam et pour ne pas croire et mécroire en Allah azza wa jal. Quel a été leur châtiment ? Comment Allah azza wa jal s'est-il débarrassé d'eux ? Leur a-t-il envoyé une armée ainsi que des armes lourdes ? Non, Allah. Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent, ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus léger. Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent fort et glacial. Nous avons envoyé, comme Allah Azza wa Jal le dit, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour terrible et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Le vent emportait ces gens, et ils retombaient sur leur tête, brisant ainsi leur cou. Allah Azza wa Jal s'est débarrassé ainsi d'eux, car ils n'ont pas cru en Houdoun alayhi salam, ils n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Wa Fir'aoun, de même que Pharaon, le roi d'Égypte, celui qui disait à son peuple, « C'est moi, je suis votre Seigneur le Très-Haut. » Où est-il ? Où est cette force ? Où est sa force ? Où est son armée ? Allah Azza wa Jal les a détruits et s'est débarrassé d'eux en les noyant dans la mer. Fir'aoun, Pharaon, qui disait, ne suis-je pas meilleur que ce misérable ? En parlant de Moussa alayhi salam, ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer ? Il s'est moqué de Moussa alayhi salam et n'a pas cru en ses paroles. Allah Azza wa Jal l'a noyé et lui a réservé le châtiment de l'eau dans cette vie d'ici-bas et le châtiment du feu dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Wa ikhwanu Lot et les frères de Lot, le peuple de Lot, dont vous connaissez tous leurs péchés, ils n'ont pas écouté leur prophète alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal les a châtiés en faisant pleuvoir sur eux des pierres d'argile qui se sont succédées les unes des autres. Ainsi Allah Azza wa Jal s'est débarrassé d'eux. Wa ashabu l'Aïka et les gens de l'Aïka. L'Aïka en arabe qui signifie un groupement d'arbres. Et ashabu l'Aïka était le peuple de Shu'aib alayhi salam. Ils n'ont pas cru en Shu'aib et ont triché dans la balance. Allah Azza wa Jal s'est débarrassé d'eux. Wa qawmu Tubba'a. Et Tubba'a, ce sont tous les rois qui ont gouverné le Yémen. Tous ceux qui gouvernent l'Égypte sont appelés Pharaon. Et tous ceux qui gouvernent le Yémen sont appelés Tubba'a. Et les peuples parmi un roi du Yémen n'avaient pas cru en Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète, ils n'ont pas cru en lui. Allah Azza wa Jal s'est alors débarrassé d'eux. Puis Allah Azza wa Jal dit, tous traitèrent les messagers de menteurs. Kullun kazzaba ar-rusul. Et regarde l'éloquence du Coran. Et regarde l'essence forte du Coran. Allah Azza wa Jal a dit, tous traitèrent les messagers de menteurs. Alors que tous, ils n'ont seulement traité de mensongers le prophète qui leur avait été envoyé. On comprend de cela que celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru en l'ensemble des prophètes. De même que celui qui ne croit pas en un des livres révélés d'Allah Azza wa Jal, à savoir l'Évangile, à savoir la Torah, à savoir le Coran et les feuilles d'Ibrahim, celui qui ne croit pas en un de ces livres n'a pas cru à l'ensemble des livres. Et Allah Azza wa Jal dit, ceux qui n'ont pas cru en Allah et en ses prophètes et veulent séparer entre Allah et ses prophètes en disant, nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre dans cela un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Allah Azza wa Jal a dit, c'est ainsi, Allah Azza wa Jal dit, « Ulaika humul kafiruna haqqa. » Ce sont eux les véritables non-musulmans, les véritables mécréants. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Soit tu crois en tous les envoyés prophètes, ou soit tu ne crois pas en eux. « Kullun kazzaba ar-rusul fa haqqa wa'id. » Ils ont tous mécru et traité de menteurs les messagers. C'est ainsi que ma menace se justifia. C'est ainsi que la menace d'Allah Azza wa Jal, la menace d'Allah Azza wa Jal contre tous ceux qui oserait traiter de mensonge ou de mensonger un des prophètes parmi les prophètes d'Allah Azzawajal, la menace d'Allah est la destruction et qu'Allah Azzawajal se débarrassera de l'aïdou billah. Puis Allah Azzawajal leur répond par un autre argument en leur disant: quoi, avons-nous été frappés, avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Allah Azzawajal leur dit ensuite: avons-nous été fatigués lors de la première création pour que vous doutiez de notre capacité à faire ressusciter les gens? Allah Azzawajal n'a pas été fatigué lorsqu'il a créé les cieux et la terre de néant. Comment serait-il fatigué Azzawajal de ressusciter les morts après les avoir créés? Celui qui est capable de créer toutes choses du néant est capable de faire revenir ces choses. Puis Allah Azzawajal dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Et nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Allah Azzawajal a créé l'homme. C'est le seul, subhanahu wa ta'ala, à avoir créé les hommes, les femmes comme les hommes. Et Allah Azzawajal connaît ce qu'il y a dans leur cœur. Ils savent ce qu'ils pensent et ils savent ce que leur âme leur souffle. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de lui, c'est-à-dire de l'être humain, que sa gêne, que sa veine jugulaire. La veine jugulaire, qui sont deux veines qui relient le cou à l'épaule, à droite et à gauche, et c'est ce qu'il y a du plus proche chez la personne. Allah Azzawajal est plus proche de toi que de tes veines jugulaires. Il faut comprendre de cela qu'Allah Azzawajal est avec toi par sa science, qu'il te voit et qu'il t'entend, et que rien ne lui échappe, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, que tu le montres ouvertement ou bien que tu le caches, eh bien sache qu'Allah Azzawajal est au courant de cela, qu'il te voit et qu'il t'entend, et ne crois pas ou ne comprends pas de cela qu'Allah Azzawajal est avec toi par son essence. Non, Allah Azzawajal est établi au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures, mais malgré sa haute altitude, Azzawajal, il est avec ses créatures par sa science, en les voyant et en les entendant, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah Azzawajal a dit lorsqu'il a envoyé Moussa et Haroun, lorsqu'il leur a dit: n'ayez pas peur, je suis avec vous, je vois et j'entends. Et beaucoup de musulmans à notre époque, malheureusement, ils ne savent pas où se situe leur créateur. Ils ne savent pas où est Allah Azzawajal. Lorsque tu les questionnes, où est Allah subhanahu wa ta'ala, certains te répondront: il est partout. Wal'iyadu billah. D'autres te diront: il est dans mon cœur. Cela est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, a demandé à une petite fille: où est Allah? Elle a répondu: il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qui suis-je? Elle a répondu: tu es l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son maître, car c'était une esclave: libère-la, affranchis-la, car c'est une croyante. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à écrire. Lorsque les recueillants, c'est-à-dire les deux anges qui sont à ta droite et à ta gauche, assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, celui qui est à ta droite écrit tes bonnes actions, celui qui est à ta gauche écrit les mauvaises, ils ne prononcent pas une parole, c'est-à-dire l'être humain ne prononce pas une parole, que ce soit une parole bien ou mauvaise, sans que il y ait auprès de lui un observateur, c'est-à-dire un ange qui écrit, un ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé et a mis à disposition pour qu'il écrive tout ce que la personne ou tout ce que l'être humain dit comme parole, bonne ou mauvaise. Ceci doit donc nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on est en public ou lorsque l'on est solitaire, cela doit être la même chose, car dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, entend tout et il connaît tout. Il sait même ce que nos cœurs nous suggèrent, ce que les pensées que tu as au plus profond de toi, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal les connaît parfaitement.